Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. N'aie pas peur d'aller en voyage, mon frère. Dieu t'a déjà ouvert les portes. Il va t'accompagner. La Bible nous dit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Parce que l'Éternel t'appelle à aller de nation en nation. Parce que tu verras sa gloire. N'aie pas peur, aie confiance. Il pourvoira tous tes besoins. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 2, 17 à 29. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Romains 2, 17 à 29. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité, c'est les caractéristiques de ceux qui se disent Juifs. Le Juif aujourd'hui, c'est l'équivalent de religieux. Des gens qui ont l'habitude de dire « Moi, je suis 100% catholique, 100% protestant, 100% méthodiste, 100% œuvre mission, 100% membre de l'église des réveils, 100% membre de l'Assemblée de Dieu, 100% membre de l'église presbytérienne, membre de l'église baptiste, ainsi de suite. » Vous voyez, ce sont des gens parfois qui brandissent leur religiosité. Alors, il y a sept choses ici. La première chose, on dit « Ils se donnent le nom des Juifs. » Le verset 1 dit, toi qui te donnes le nom des Juifs, c'est-à-dire il y a des gens qui se donnent le nom. Je suis chrétien, je suis intercesseur, je suis pasteur, je suis ceci. Donc, parfois c'est pour impressionner les autres. Ils se donnent ce nom, ce titre. Deuxièmement, on dit, ils se reposent sur la loi. Ça veut dire, ce sont des gens qui prétendaient observer la loi. Moi, je connais la Bible. Il va citer des versets qu'il a appris depuis l'école de dimanche. Troisièmement, ils se glorifient de Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui prétendent connaître Dieu. Dis-moi, je connais Dieu. Moi, je connais Jésus. Ils ont même un langage religieux qui peut épater, étonner les autres. Quatrième caractéristique, il connaît sa volonté parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que voici ce que la Bible dit. Si tu lui parles des dix commandements, si tu lui parles des dix commandements, il connaît, il peut même réciter par cœur. Il connaît. Beaucoup de choses, il connaît. Ce que Jésus a fait sur la croix, il connaît. Cinquièmement, il apprécie la différence entre les choses. C'est-à-dire qu'il sait te dire que non, ça ce sont des choses profanes, ça ce sont des choses religieuses. Sixièmement, il se flatte d'être le conducteur des aveugles. Donc c'est quelqu'un qui dit, moi je suis enseignant, moi je dirige le culte, moi je suis moniteur de l'école de dimanche, moi c'est moi qui affermis les autres, c'est moi qui conduis les autres. D'ailleurs tel, c'est mon fils spirituel, c'est ma fille spirituelle. Donc il se dit, c'est lui, il est le conducteur. Et septièmement, on dit, il est le docteur, il enseigne les autres. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il se met là, il dit, il enseigne. Nous connaissons tous les juifs, surtout les pharisiens. C'était des gens qui étaient des docteurs de la loi, les gens qui enseignaient les autres. Deuxième vérité, sa vie est en contradiction avec ce qu'il prêche. C'est-à-dire qu'il y a un contraste. Souvent, nous remarquons le même contraste aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Ils disent, je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis ancien, diacre. Ils prêchent, ils enseignent. Mais lorsque vous observez ce qu'ils prêchent là, et vous regardez leur vie, vous voyez une nette contradiction. C'est ça le problème. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas par leur prédication, enseignement. C'est pourquoi ici, il est dit, au verset 21, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Comment est-ce que notre enseignement, notre message peut avoir d'impact si nous ne vivons pas ce que nous prêchons? Comment est-ce que, par exemple, moi je peux encadrer les autres, encadrer les couples mariés, si moi-même mon couple ne marche pas bien, ou bien moi-même j'ai répudié ma femme, vous voyez, ma prédication, mon enseignement aura des problèmes. Comment est-ce que je peux enseigner aux autres de pardonner alors que moi-même j'ai des problèmes avec mon père, je n'ai pas pardonné, je ne parle pas à quelqu'un depuis des années, vous voyez, ça ce n'est pas un exemple à suivre. Troisième vérité, c'est la conséquence d'une telle vie de contradiction avec la parole de Dieu, c'est que cette vie déshonore Dieu. Lorsque je vis dans la duplicité, dans la corruption, dans l'immoralité, ça déshonore le Seigneur. Parce que à cause de moi, quand les gens voient une telle vie, moi je suis l'enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, ça n'honore pas le Seigneur. Deuxième conséquence, on dit le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, dans nos milieux dits pastoraux, il y a des gens qui ne respectent plus les pasteurs. Parce que dès que tu te présentes, moi je suis pasteur, moi je suis, je ne sais pas, apôtre ou prophète, les gens disent, ah voilà, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, parce qu'il y a tel qui a escroqué les autres, parce qu'il y a tel qui est sorti avec femme d'autrui, ainsi de suite. Vous voyez, et même les païens donc parlent mal de nous. Soyons quand même sérieux. L'apôtre Paul dit au verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Je parle à toi, ma sœur. Comment est-ce que toi, une chrétienne, tu peux sortir avec un mari d'autrui? Au point où sa femme, qui est même une païenne, te dit, elle ne viendra pas à l'église. Parce que toi qui te dis diaconesse, toi qui te dis même prophétesse, tu as même des révélations divines, tu fais des prophéties qui s'accomplissent. Mais comment, en faisant ces prophéties, tu ne comprends pas que la Bible interdit d'être maîtresse, de sortir avec un mari d'autrui? C'est à cause de tels actes que le nom de Dieu est blasphémé. Où les gens disent que tous ceux qui prient là, ce sont des farceurs. Répends-toi de ta vie. Le Seigneur n'est pas content de ce que tu fais. Quatrième vérité, c'est la définition du vrai juif, c'est-à-dire le vrai chrétien pour nous aujourd'hui. On dit, le vrai juif, le verset 28 dit, ce n'est pas celui qui en a de dehors. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'apparence, d'aller à la messe, tuer la tête courbée, prendre l'Eucharistie, ou d'aller chaque dimanche au culte, ou avoir une grosse Bible. Tout ça, ce sont les apparences. Mais ce qui est plus important, c'est le dedans. C'est-à-dire ta vie. Est-ce que tu as rencontré Christ? Est-ce que tu marches en communion avec Dieu? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Donc, laissons tous ces aspects qui impressionnent. Alors qu'au dedans, il y a la méchanceté, il y a le vol, il y a l'adultère, il y a la colère, il y a la duplicité. Le verset 28 dit, les juifs, ce n'est pas celui qui en a de dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, dit le verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais c'est de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons plus que les hommes puissent nous louer, puissent dire de bien de nous. Mais celui qui marche avec Christ, il cherche la louange de Dieu. C'est-à-dire, il cherche l'appréciation de Dieu. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Pourquoi est-ce que tu t'es fait de la peine? Parce que tu fais le travail et ton pasteur ne reconnaît pas. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire, moi on ne reconnaît pas le travail que je fais. Même si le pasteur ne reconnaît pas, toi tu dois savoir que tu ne sers pas le pasteur, tu sers Dieu. Ta louange, ta récompense viendra de Dieu là. Persévère et prends au sérieux le ministère que Dieu t'a donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions chanter pour le glorifier par ce cantique. Comme il était altéré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, et ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, fraîche rosée, descend dessus. Abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à la mer languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, fraîche rosée, descend sur nous tous. Oh, divines ondes, venez soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, fraîche rosée, descend sur nous tous. Oh, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que le lieu sacré verdisse et porte d'eau fruits nouveaux, fraîche rosée, descend dessus. Thank you. salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, réponds-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez Alléluia. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Bénis-le pour sa révélation et pour sa parole. Te rendons toute la gloire, ô Éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous éclaire jour après jour par ta parole. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, toi qui ne veux pas que nous soyons aveuglés, mais tu veux que nous puissions réellement marcher dans ta lumière. Nous ne voulons pas être des conducteurs des aveugles pendant que nous-mêmes nous sommes aveugles. Éclaire-nous encore, ô Père, dirige-nous, contrôle nos pas. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu fidèle, le Dieu qui est toujours avec nous. Nous voulons te prier en ce moment afin que ton nom soit élevé à travers nos vies et non pas blasphémé. Sois béni, ô notre Dieu, toi le Dieu qui veut réellement nous utiliser pour que ton nom soit glorifié et non pas blasphémé. Merci Père pour la lumière du Christ qui nous éclaire jour après jour. Merci pour cette lumière qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous aide à te glorifier. Merci ô Père pour ta main puissante qui nous soutient. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 2, versets 17 à 29. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent le nom de juifs, c'est-à-dire le nom de chrétiens, le nom de pasteurs, les gens qui connaissent la parole de Dieu, les gens même qui enseignent, mais leur vie sont en contradiction avec ce qu'ils prêchent, avec ce qu'ils prétendent être. Tu vas prier le Seigneur. Si toi-même qui m'entends, tu es concerné, tu sais que ta vie n'est pas propre, repens-toi, demande pardon à Dieu. Et prions pour tous ceux qui viennent dans nos églises, qui se disent pasteurs, qui se disent chrétiens, qui se disent intercesseurs, chantres, mais qui n'ont pas une bonne vie, que Dieu les visite, qui se repentent. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance. Reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Reconnaissance de la manifestation de ton amour qui s'est réalisé lorsque tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour tous les frères, pour toutes les sœurs à qui tu as donné le privilège de devenir enfant de Dieu et qui exercent le ministère pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions pour ceux-là, ô Père éternel, qui ont reçu ta parole, mais qui ne la mettent pas en pratique, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce soit une réalité dans leur vie. Je prends autorité, ô Père éternel, sur toute manifestation des œuvres des ténèbres sur leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous leurs actes, toutes leurs activités qui ne t'honorent pas, que la manifestation du Saint-Esprit les amène à revenir à de meilleurs sentiments. Dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur vie afin qu'ils soient un témoignage, que l'humilité de la repentance soit une réalité dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous prions, Père éternel, que ta grâce et ta faveur soit dans la vie de tes enfants et qu'ils soient un témoignage dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier de manière spéciale pour les serviteurs de Dieu. Tu as peut-être ton pasteur, tu as ton papa spirituel, ta mère spirituelle. Peut-être qu'il connaît des moments de difficultés. Particulièrement, nous allons prier pour des pasteurs qui ont des difficultés au niveau de leur foyer. Il y a certains qui sont en instant de divorce ou même qui se sont déjà séparés. Et ça, ça fait un coup dans leur ministère. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Si tu connais peut-être un homme de Dieu qui vit dans l'immoralité sexuelle, qui a un mauvais témoignage, oh, tu vas prier le Seigneur pour lui. Intercède pour lui, que le Saint-Esprit puisse le toucher, qu'il revienne à la repentance. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent, qui enseignent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. C'est cela ton vœu, ton désir, ton souhait. C'est le diable qui veut amener à l'enfer tous ceux que tu as créés à ton image. Nous voulons ce matin te recommander les prétendus serviteurs de Dieu, ceux qui se sont autoproclamés, ceux qui ne savent rien de ta parole, qui sont conduits par la chair, par le désir de ce monde et qui induisent beaucoup de personnes en erreur. Nous voulons ce matin plaider pour ces gens. Nous voulons que ton esprit agisse dans leur cœur. Ton esprit agisse dans leur cœur. Seigneur, car ta parole parle, elle est l'épée de l'esprit. Quand on la prêche aux autres, il faut aussi savoir, elle parle à nos cœurs. Que ces personnes soient touchées, quelles que soient les responsabilités qu'ils occupent dans les ministères et dans les églises. Nous t'implorons, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi et qu'ils soient sauvés. Parce que tu as dit encore, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font ta volonté. Merci, notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'à cause de nos comportements, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, le nom de Dieu est déshonoré. et le nom de Dieu est blasphémé à cause de beaucoup de choses qui se passent, des abus de ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, pasteurs. Nous allons prier, implorer la grâce divine afin que le Seigneur lui-même puisse purifier l'Église et que le Seigneur puisse susciter des vrais serviteurs, des serviteurs qui ont un bon témoignage en sorte que le nom de Dieu cesse d'être blasphémé dans le milieu des païens. Prions donc pour les témoignants de l'Église au monde, pour les témoignants de chaque chrétien, pour les témoignants de chaque pasteur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tu es Dieu et tu es le véritable Dieu. Tu es tout puissant. Ton nom ne change pas. Quels que soient les hommes, quels que soient les titres, quels que soient les grades, quelles que soient leurs fonctions, quelle que soit leur intelligence, Père, tu n'as jamais changé, tu demeures Dieu. Merci pour tes enfants que tu as suscités, des véritables enfants, des véritables serviteurs qui ne font que ton œuvre, qui prient pour que le royaume des cieux progresse, qui prie pour qu'il y ait assez de convertis, les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient libérées, pour que les âmes soient délivrées, pour qu'il y ait une percée dans la vie de tes enfants. Par contre, Seigneur, oui, il y a une catégorie d'hommes de Dieu, Seigneur, qui ne sont pas de toi, Père, mais leurs œuvres annulent. Permets que leurs activités ne prospèrent point, que la honte soit leur partage. Bénis, Seigneur, tes enfants, ceux-là même, Seigneur notre Dieu, qui espèrent voir ta gloire dans l'Église, qui cherchent à te rencontrer, qui cherchent ta volonté. Seigneur, bénis leurs activités, bénis leur ministère, bénis leur ministère, bénis l'Église, Seigneur notre Dieu. Nous prions que tu leur augmentes la foi afin que de par leur canal, la prédication de l'Évangile soit annoncée avec feu et puissance et qu'il y ait toujours et toujours des multitudes qui se convertissent, des âmes qui soient sauvées, des âmes qui soient guéries, libérées, des âmes qui reviennent à toi et que, Seigneur notre Dieu, chacun entre dans sa destinée prophétique à la gloire de ton nom. Merci de soutenir l'Église. Merci de soutenir les structures chrétiennes. Merci de soutenir la radio Fréquence Vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que les dimanches, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Donc, c'est ce dimanche 7 février. Nous aurons deux services. Le premier va commencer à 16h et le deuxième à 20h. C'est pour permettre à chacun d'avoir une place dans la salle. Nous allons développer ce thème, quitter la cendre pour porter les diadèmes. Si d'ici jusque-là, les gens se moquent de toi et disent « tu ne te maries pas, tu es dans la cendre », nous allons passer un temps spécial de prière pour déchirer ce vêtement d'humiliation que tu as porté pendant des années, pour que cette année et les années qui viennent, tu puisses porter les diadèmes en entrant effectivement dans ton mariage. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.